Radiomatic. La transmission 290 d'Audiomatic s'ouvrait sur une note apocalyptique avec In Slaughter Natives, de qui nous écoutions la pièce Death, Just Only Death, apparaissant sur l'album homonyme In Slaughter Natives, sorti en 1988. Bien qu'Audiomatic soit d'une inutilité indécente lorsqu'on s'attarde à ce qui est essentiel, les sonoristes persistent et revendiquent le droit de ne pas être considérés. Thank you. audiomatique, nous entendions la musique du projet montréalais Hector Brosse et sa composition Cromar de son mini-album Électronique Musique Maison, lancé en 2016. Tout juste avant, nous avions droit au groupe allemand de No Twist et la chanson This Room de leur cinquième album Neon Golden, paru en 2002. Et pour débuter, il s'agissait de DJ Shadow et la pièce The Tiger, à laquelle participent Sergio Pizzorno et Christopher Karloff de la formation Kasabian. Cette pièce apparaît sur l'album The Outsider de DJ Shadow qui est sorti en 2006. Audiomatic se poursuit sur la musique du projet Faultline. Thank you. à Audiomatique. Cette séquence musicale se terminait avec une pièce du groupe Alpha, soit la composition Slim, sur laquelle on pouvait entendre la chanteuse Ellen White, membre de la formation Static Sound System. La pièce se trouve sur le premier album d'Alpha, intitulé Come From Heaven, paru en 1997 et sorti sur l'étiquette de disque Melancholic, dirigé par les membres de Massive Attack. Avant Alpha, nous écoutions la pièce Tall Tales, dirigée par le batteur américain Makaya McCraven, qui s'est adjoint d'un orchestre composé d'artistes new-yorkais pour un concert à New York. La pièce Tall Tales se retrouve sur l'album Universal Beings, qui regroupe quatre courts concerts de Makaya McCraven avec différents orchestres enregistrés à New York, Chicago, à l'Athéna en Californie et Londres en Angleterre. Et on amorçait la séquence avec le projet Faultline et la pièce Sweet Iris tirée de son second album Your Love Means Everything, paru en 2002. Audiomatique se poursuit maintenant, selon la volonté des sonoristes, avec le défunt groupe américain R.E.M. You lost your shoes. To be strong for us. Sometimes. God, you pour a sour over me. You know you have no power over me. I got on your nerves, so I twitch. My friends call me bitch, but that's okay, cause I'm your bitch. I'm your rich bitch, and I got money, money I got. She likes me a lot. It's a girl called Jupiter Joy. I get her before she gives me a boy. If I find out I'm not the only one, I'ma treat you a bike. Rubber gum and taking my nose off. If you dare to take your clothes off. I won't long distance for you. You test my knuckle game to see if I was true. Never liked by those spouses, cause I grabbed those fringe houses. I keep telling them, don't give a fuck about millennium. Why'd you boss out over me? You have no power over me. I got on your nerves, so I twitch. My friends call me bitch, but that's okay, cause I'm your rich bitch. I got money, money I got, she likes me a lot. I keep telling them, don't give a fuck about millennium. She likes me a lot. If I find out I'm not the only one, if I find out you're the only one, I'ma chew you up like bubblegum and take your mind from the nose off. If you dare to take those clothes off, dare to take those clothes, I keep telling them, don't give a fuck about me now. Take your mind from the nose off. I'm the only one who chew you up like bubblegum. I'm telling them, she likes it a lot. She likes me a lot. If I find out I'm the only one, she'll be like bum bum. Cette séquence musicale à Audiomatique, nous vous avons présenté Tricky avec la chanson Antihistamine sur laquelle on peut entendre la chanteuse Martina Topley-Bird. On retrouve cette chanson sur le single Broken Homes qui lui est tiré du troisième album de Tricky intitulé Angels with Dirty Faces qui a été commercialisé en 1998. Précédemment à Tricky, nous avons entendu le groupe anglais Block Party qui nous interprétait la chanson Biko, extraite de leur troisième album Intimacy, paru en 2008. Et pour commencer, le défunt groupe américain R.E.M. était accompagné de la chanteuse Patti Smith sur la chanson Blue, que l'on retrouve sur le 15e et dernier album studio de R.E.M., Collapse Into Now, sorti en 2011. La transmission 290 d'Audiomatique se conclura sur une pièce de Deutsch Nepal, à savoir MS Illusive Pain, tirée de l'album Eroticon. Audiomatic sera au rendez-vous sur les ondes du 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. En attendant la diffusion en direct de la transmission 291, nous vous proposons de visiter nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic pour entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Deutsch Nepal et la pièce MS Elusive Pain. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.